Le violon de Munich par Auguste de Vossel. Il n'était bruit à Munich, vers le milieu de l'hiver de 1833, que d'un jeune violoniste qui, à la plus magnifique puissance d'exécution, joignait un talent de compositeur qui tenait presque du miracle. C'était toute une révélation. Il n'y avait point de prodige que sous ses doigts l'archet n'accomplît comme en se jouant. Tout émerveillait dans cette musique, qui ne cessait jamais un instant d'enchanter les oreilles et le cœur. Effet étrange, combinaison inconnue, diatonique particulière qui ne ressemblait à rien de ce qu'on avait entendu jusque-là. Tout était saisissant et marqué au cachet d'une puissante individualité. C'était neuf et surtout grand et beau. Les maîtres les plus distingués étaient comme les auditeurs les plus obscurs sous le coup d'un charme qui leur ôtait jusqu'à la faculté de l'analyse. Ils admiraient sans pouvoir se rendre compte des moyens employés par le compositeur et ils étaient forcés d'avouer qu'à une originalité ravissante, ces mélodies réunissaient une pureté et une suavité telles qu'il était impossible d'imaginer rien au-delà. C'était tout bonnement une révolution dans l'art. Cependant, le jeune musicien, peu soucieux de faire école, n'avait mis personne dans la confidence de son secret. Il s'était contenté d'exécuter ses morceaux lui-même et laissait sans s'en inquiéter le champ libre à toutes les tentatives comme à toutes les conjectures. Comme à tout ce qui sort du niveau vulgaire et frappe vivement les regards de la foule, la curiosité s'attacha bientôt à lui. Ce qu'on apprit sur le compte de Frédéric de Liebenstein, c'était le nom du jeune artiste, se bornait à fort peu de choses, mais ce peu avait je ne sais quelle saveur romanesque, qui ne laissa pas que de piquer le palais passablement avide de la curiosité. Voici ce que l'on rapportait. Il avait habité longtemps avec un autre jeune homme, musicien comme lui. Depuis un an environ, le jeune homme, que nous dirons tout de suite appelé Franz, était mort. La passion de l'art, compliquée d'une maladie de poitrine, l'avait prématurément conduit au tombeau. Les deux amis avaient vécu en une fraternelle communauté de toutes choses, partageant gaiement ensemble les fleurs, et plus souvent, hélas, les épines de la vie d'artiste. Aussi Frédéric avait-il éprouvé un chagrin profond de cette séparation violente. On disait même qu'il en avait fait une maladie grave. Pendant un an environ, il avait vécu entièrement en dehors de tout, ne voyant personne, et essayant de se consoler avec son violon, qui était presque son seul ami depuis la perte de celui que rien ne pouvait remplacer dans son cœur. C'était à la suite de cette séquestration volontaire qu'étant, pour ainsi dire, rentré dans la vie, s'était révélé en lui ce talent prodigieux qui, tel qu'un rayonnant météore, resplendissait dans les régions mélodieuses du monde musical. On se répétait tout bas, pour expliquer le problème de ce talent resté jusque-là inexplicable, que dans l'exaltation de la douleur, il avait eu sans doute une de ces visions d'en haut, une de ces illuminations soudaines qui font les hommes de génie. Du reste, quelque chose pouvait jusqu'à un certain point donner faveur à la croyance d'un élément surnaturel dans le talent de Frédéric. C'était sa vie rêveuse et contemplative. On eût dit qu'il écoutait toujours une voix mystérieuse qui chantait pour lui seul quelques mélodies d'un autre monde. Avec la renommée, la fortune lui était venue vite. Son moindre coup d'archet lui était payé des sommes que naguère il eût été fort heureux de gagner en 6 mois, et cependant, une vague tristesse pesait comme un nuage sombre sur son existence. Ni la gloire, ni les éloges, qu'il savourait comme une liqueur enivrante, dont il semblait avoir besoin pour étourdir sa raison, n'avaient le pouvoir de la dissiper. Et puis, ce qu'on remarqua avec non moins d'étonnement, c'est que, quelque part qu'il fût, il se retirait toujours assez à temps pour rentrer chez lui avant minuit. On parla beaucoup de cela. On s'inquiéta infiniment de ce qu'il pouvait avoir à faire de si pressant à une pareille heure. Les âmes charitables allaient jusqu'à dire qu'il était en relation suivie avec M. Satan, et que c'était sans doute l'heure à laquelle ils réglaient amiablement leur petit compte. On finit par savoir que de retour chez lui, Frédéric s'enfermait dans la partie la plus reculée de son appartement et que pendant 1 heure environ de suaves accords, de délicieux fragments de mélodies forçaient de temps en temps portes et murailles, s'échappaient en bouffées harmonieuses du lieu où il avait l'habitude de se retirer. Il n'était donc point en affaire avec le diable, comme d'honnêtes envieux auraient voulu le persuader. Seulement les gens raisonnables pensèrent que c'était l'heure où l'inspiration, cette divinité capricieuse, descendait pour lui du ciel. Il n'était donc pas étonnant qu'il voulût en profiter. Il n'y avait rien d'impossible à cela. C'était même l'explication la plus rationnelle de la conduite de Frédéric. Toutefois, lorsqu'on le questionnait à ce sujet, il trahissait je ne sais quel embarras. Il ne répondait que d'une manière vague et évasive que les curieux étaient libres d'interpréter selon leur bon plaisir. Au surplus, on n'y fit pas attention longtemps. C'était, pensait-on, une fantaisie d'artiste, et au demeurant, on pouvait toujours mettre cela sur le compte de la bizarrerie dont, au dire du vulgaire, tout homme de génie doit être inévitablement atteint. L'amour, qui avec la richesse et la gloire complète cette sorte de trinité fortunée qui peut faire de l'existence d'un homme un paradis tout plein de longs enchantements et d'ivresse bienheureuse, ne devait pas manquer au jeune musicien. Une charmante veuve de 22 ans l'aima pour son génie et sans doute aussi un peu pour lui-même. La comtesse de Rheinsberg, c'était son nom, aimait la musique parce qu'elle parle au cœur plus vivement que tout autre langage. Et celle de Frédéric avait délicieusement fait battre le sien, qu'il n'avait jamais battu sérieusement pour personne, et moins que pour tout autre, pour le vieux mari qu'elle venait de mettre dans la tombe. Un beau jour, elle avait senti une corde secrète vibrer au fond de son âme, et sans y prendre garde, et comme dans un songe, elle s'était laissée aller à la douceur de se sentir aimée pour la première fois. Quand elle se réveilla, il était trop tard pour revenir sur ses pas. Elle avait descendu jusqu'au bas la pente si voluptueusement entraînante de l'amour, et cette pente si facile à la descente eût été trop rude à remonter. Quand la comtesse s'aperçut de la route qu'elle avait faite sans presque s'en douter, elle ne se sentit ni le courage ni la force de rebrousser chemin. Elle continua donc à s'enivrer du bonheur d'aimer, sûre d'être aimée quand et comment elle le voudrait. Elle était noble, jeune, riche et belle. C'était 4 fois plus qu'il n'en fallait pour tourner la tête d'un rêveur enthousiaste tel que Frédéric de Liebenstein. Madame de Rheinsberg le voulut bien vite, et sans avoir besoin de fouiller dans l'arsenal de ses séductions, elle l'amena doucement à ses petits pieds, bien et dûment pris au lac fleuri de la passion. Rien ne s'opposait à ce mutuel amour. Ils étaient libres tous deux, et quoique comtesse, Madame de Rheinsberg pouvait sans mésalliance épouser le grand artiste, dont le nom brillait maintenant parmi les plus radieux. Si quelqu'un, au dire de plusieurs, faisait un sacrifice, c'était Frédéric, qui allait, homme de génie incontesté, attacher son voile d'aigle à la courte chaîne du mariage. Mieux valait pour lui, disait-il encore, continuer de planer toujours libre dans les larges espaces de la poésie, où il était l'homme de tous, que de se confiner tout bouillonnant encore de l'ardente sève de la jeunesse dans l'étroit horizon du foyer domestique où il ne serait plus que le mari de sa femme. Hâtons-nous de le dire, tel n'était point l'avis de Frédéric. Il aimait la comtesse au point de lui sacrifier peut-être talent et renommée si elle eût pu l'aimer sans cela. Car si l'homme était pour quelque chose dans l'amour de la jeune femme, Frédéric ne pouvait se dissimuler que le grand musicien, l'artiste puissant devant lequel les fronts les plus fiers s'inclinaient, ne fut pour bien davantage. Comme tous et plus que tous, Madame de Rheinsberg avait été frappée de la persistance de Frédéric à se retirer avant minuit. Il n'y avait pas de fête si brillante, pas d'entretien si intime, qu'eût le pouvoir de le retenir une minute de plus que l'heure ordinaire de son départ. L'amour-propre de la comtesse en fut vivement piqué. Quoi donc ? Il n'oubliait pas les instants auprès d'elle. Elle se sentit humiliée de cette espèce d'indifférence qui était presque un affront. Combien d'autres, en effet, pour lesquels elle n'était jamais descendue de sa dignité de comtesse pour n'être qu'une femme, comme elle voulait bien le faire pour lui tous les jours, avaient oublié le temps pour moins qu'un de ses sourires. Il fallait donc que l'attrait, qui lui faisait tout quitter, fût bien puissant. Et à cette pensée, Madame de Rheinsberg sentit le froid de la jalousie pénétrer dans son cœur. Elle aussi s'était informée de ce que Frédéric faisait le soir ou plutôt le matin. On lui avait dit comme à tous que c'était l'heure à laquelle il se livrait à la composition de la délicieuse musique qui avait fait sa gloire. Elle ne comprenait pas qu'on quittât les douceurs de l'entretien intime avec la femme aimée pour courir jouer du violon. Elle était persuadée, et c'est aussi notre avis, qu'il n'y a pas de plus enivrante musique que celle qui résulte de l'accord de deux âmes parcourant en un harmonieux duo toutes les notes ravissantes de la gamme amoureuse. Tout grand musicien qu'était Frédéric, il n'avait pas l'air de se douter de cette vérité, et cela ne laissait pas que de lui faire un certain tort dans l'esprit de Madame de Rheinsberg, et il fit tant, il oublia tellement le droit imprescriptible que possède une jolie femme de passer en toute chose, que la comtesse résolut à la fin de l'en faire souvenir en le forçant, une fois pour toutes celle où il y avait manqué, à rester jusqu'à la fin de la soirée. C'était une grande fête que donnait la comtesse. Plusieurs artistes de premier ordre devaient s'y faire entendre, l'élite de la société y était invitée, et Frédéric avait bien voulu promettre d'exécuter un de ces morceaux dont le secret n'appartenait qu'à lui. Le programme avait été distribué de manière qu'il pût rentrer chez lui à son heure accoutumée. Tout était donc pour le mieux, et il se préparait en toute sécurité à savourer les enivrements d'un nouveau triomphe. La première partie de la soirée se passa sans encombre. Toutefois, les artistes ne reçurent qu'un médiocre tribut de bravo, comme si l'auditoire en eût réservé la meilleure part à Frédéric qu'on avait gardé pour la fin. C'était, après le feu d'artifice, le bouquet destiné à clore dignement la fête. Son tour vint. Avant de commencer, il jeta un coup d'œil sur la pendule du salon. Elle marquait 11 heures. « Je n'ai que juste le temps, se dit-il. » Et sans plus tarder, il prit son violon. Et par un prélude plein d'harmonieuses promesses, il sollicita la bienveillante attention de ses auditeurs. Il avait à peine attaqué les premières mesures de son morceau que l'heure sonna bruyamment à une église voisine. Au premier son de la cloche, il éprouva un frissonnement par tous les membres. Et comme s'il eût eu quelque pressentiment sinistre, il compta instinctivement chacun des coups qui retentissent sur le timbre de bronze de l'horloge et l'en trouva 12. Minuit. Cependant, la pendule ne marquait que 11 heures et quelques minutes. Minuit. Il était trop tard pour fuir. Frédéric comprit qu'on lui avait tendu un piège. Un moment, il sembla se roidir contre quelque force mystérieuse. Son visage, ordinairement calme, s'anima d'une expression étrange, et la mate pâleur de son teint, devenue plus blanche encore, sembla resplendir d'une lumière intérieure. On eût dit un de ces vases de porcelaine ou d'albâtre, dont la blancheur opaline ne laisse échapper, à travers sa demi-transparence, que quelques-uns des rayons qui l'illuminent au-dedans. Cependant, loin de ralentir l'exécution de son morceau, Frédéric la continuait au contraire avec une vigueur qu'il n'avait jamais atteinte jusque-là. Il semblait à peine effleurer les cordes du violon, mais comme si l'instrument eût obéi à la pression toute-puissante d'un archer invisible, il résonnait avec une ampleur et une pureté du plus inexprimable effet. Il parlait, pleurait et chantait tour à tour avec une suavité si mélancolique ou une joie si ineffable que les auditeurs haletants osaient à peine respirer, de peur de perdre une note de cette musique surhumaine. Cependant, Frédéric vacillait sur ses jambes, semblable à un homme ivre. Le violon craquait comme s'il eût été sous l'étreinte d'un poignet de fer, et les sons émus et pressés ne cessaient d'en jaillir en flots mélodieux. On eût dit un fleuve d'harmonie qui s'échappait impétueux des 100 bouches de cuivre d'un orchestre et s'élargissait pour retomber en cascade majestueuse. Jamais personne, jamais Frédéric lui-même, n'avait approché de ce qu'il était ce soir-là. Madame de Rheinsberg, dans l'ivresse du bonheur, s'applaudissait tout bas de sa ruse et savourait avec délice cette radieuse émanation du génie qui lui pénétrait l'âme par tous les pores. L'égoïste, se disait-elle en pensant à Frédéric, il gardait pour lui seul toutes ces belles choses que peut-être il ne nous jugeait pas dignes d'entendre. Voilà comme sont les artistes. Ils voudraient jouir seuls des merveilles de leur art. Les avares, s'ils le pouvaient, ils se séquestreraient du monde pour se repaître seuls de leurs trésors. Le morceau durait depuis bientôt 1 heure, sans que personne eût la pensée de le trouver trop long. Une sueur froide tombait en larges gouttes du visage de Frédéric. Tout à coup, il s'arrêta. L'instrument échappa à ses mains, et lui-même alla tomber évanoui sur le parquet. Nous n'essaierons pas de peindre le trouble que cet accident imprévu jeta dans l'assemblée. La comtesse, au désespoir, s'accusait de ce qui venait d'arriver, et sans être retenue par aucune de ces considérations d'étiquette si puissantes en Allemagne, elle fit porter Frédéric toujours évanoui sur son propre lit, et ne voulut céder à personne la douloureuse satisfaction de lui donner des soins que réclamait son état. Elle sentait intérieurement qu'elle était la cause du mal, elle eût tout fait pour le réparer. Cependant, l'évanouissement de Frédéric se prolongeait d'une façon inquiétante. Il était aussi froid qu'un marbre, et un léger reste de chaleur vitale persistait seul vers la région du cœur, où de loin en loin, un battement presque imperceptible annonçait que la vie ne s'était pas encore tout à fait retirée de ce corps qui paraissait un cadavre. La comtesse, folle de douleur, avait en toute hâte envoyé chercher son médecin. C'était un homme docte, qui possédait de la science de guérir tout ce qu'on peut humainement en savoir. Après avoir tâté le pouls du malade et considéré son visage crispé et tordu par je ne sais quelle contraction nerveuse, le docteur remua deux ou trois fois la tête d'une manière qui semblait dire « c'est grave, c'est très grave ». Madame de Rheinsberg, qui cherchait à lire dans les yeux du médecin ce qu'elle devait craindre ou ce qu'elle devait espérer, ne comprit que trop ce mouvement. « Sauvez-le, docteur, sauvez-le » s'écria-t-elle avec un sanglot du cœur. « Et tout ce que je possède est à vous, sauvez-le. Il le faut à tout prix, il le faut. » « Madame, reprit le médecin, je croyais que vous me connaissiez assez pour savoir qu'il n'est pas besoin de l'offre de votre fortune pour m'engager à faire mon devoir. C'est mon métier de guérir. Et pour le pauvre comme pour le riche, je tâche de mettre ma conscience en repos, en faisant toujours de mon mieux. Si M. Frédéric de Liebenstein peut être sauvé, soyez sûr qu'il le sera. » Après un évanouissement qui dura plusieurs heures, Frédéric commença à donner quelques signes d'existence. On redoubla de soins, et il finit par reprendre à peu près l'usage de ses facultés. Mais il était d'une si grande faiblesse qu'à chaque instant le médecin craignait qu'il ne s'évanouît de nouveau. Madame de Rheinsberg, au comble de la joie, le croyait déjà sauvé. « Je ne voudrais pas vous effrayer, » lui dit le docteur, « mais le danger est loin d'être entièrement passé. » Il y a dans tout cela quelque chose que je ne comprends pas. Il a fallu une cause bien puissante pour déterminer une crise aussi terrible chez un homme dans la plénitude de la force. Cependant, Frédéric, ayant repris tout à fait ses sens, se recueillit comme un homme qui cherche à rassembler des souvenirs un peu épars dans son cerveau, et après avoir fait écarter tout le monde, à l'exception de Madame de Rheinsberg, qui n'avait pas un moment quitté son chevet, il la pria de lui vouloir bien prêter son attention la plus sérieuse, attendu qu'il avait à déposer dans son sein des secrets qui étaient restés jusque-là entre lui et Dieu, et dont, dit-il, il avait peur que le poids ne fût trop lourd à sa tombe. Quand la comtesse fut seule assise auprès de lui, et tenant une de ses mains dans les siennes, « Madame, lui dit Frédéric d'une voix presque éteinte, je sens que je n'ai que peu de temps à vivre. Si j'ai voulu vous parler une dernière fois, c'était afin de vous dire pourquoi je mourrai. Car l'on ne meurt pas seulement pour avoir joué du violon un peu plus tard que d'habitude. Ce que je vais vous confier vous semblera peut-être un rêve de malade, et pourtant j'ai ma raison, toute ma raison. Cela vous étonnera sans doute au dernier point, mais cela vous donnera aussi la clé de bien des choses restées pour tous à l'état d'énigme dans mon existence. Écoutez, madame, écoutez. » Après ce préambule, le malade, ayant pris un instant de repos, commença. Vous avez sans doute entendu dire que j'avais été lié d'une amitié bien vive avec un jeune homme nommé Franz, musicien comme moi. Cela est vrai. Franz était pour moi plus qu'un frère, car trop souvent parmi les hommes, la fraternité n'est guère que la fraternité de Caïn. C'était un ami dans toute la sainteté du mot, et quand Dieu l'a rappelé à lui, il m'a enlevé la meilleure part de moi-même. C'était une nature vierge et croyante. Il n'avait que deux amours en ce monde, Dieu et la musique. Et tout pieux qu'il était, il mettait souvent la musique avant Dieu, ou plutôt, il confondait ces deux religions en une seule, celle de la musique. Car Dieu, disait-il, est toute harmonie. Et souvent, la musique était sa seule manière de le prier. Enfin, il mourut comme il avait vécu, par la musique. L'étude le tua. C'est du jour de sa mort que date pour moi une existence nouvelle. J'étais seul près de sa couche funèbre, et la fatigue, après de longues veilles passées au chevet de mon ami malade, m'avait endormi. J'eus un songe, ou plutôt une vision qui depuis est toujours restée aussi présente à ma mémoire qu'au premier moment. Franz m'apparut comme il était avant sa maladie. « Mon ami, me dit-il, j'ai trop aimé la musique sur la terre. Dieu m'a puni là-haut. Il m'a imposé comme expiation de quitter tous les jours le ciel pendant une heure pour venir jouer du violon ici-bas. Adieu. Je reviendrai te voir. » Et la vision s'évanouit. Je m'éveillai en sursaut, je me frottai les yeux et je regardai autour de moi avec une instinctive frayeur. Le corps de mon cher Franz gisait immobile à trois pas de moi, déjà roidi par le froid de la mort. Je me dis que ce n'était qu'un songe. Toutefois, je ne voulus pas me rendormir et pour me tenir éveillé, je lus jusqu'au matin les prières des trépassés. Pendant la journée, les soins de toutes sortes que nécessita l'enterrement de mon ami me distrèrent du songe de la nuit à tel point que je l'oubliai totalement. Et l'heure de mon coucher venue, je me mis au lit et m'endormis sans y penser davantage. Je dormais comme on dort du premier sommeil après de douloureuses fatigues, quand les sons d'un violon résonnant dans la chambre voisine vinrent interrompre mon repos. Je ne fus pas réveillé tout d'un coup. Plongé dans un état d'engourdissement qui n'était ni la veille ni le sommeil, j'entendais, sans me rendre compte, mais avec une voluptueuse satisfaction. Enfin, la musique continuant, je m'éveillai tout à fait. Je me levai sur mon séant pour me convaincre moi-même que je n'étais pas le jouet d'une illusion. Je restai ainsi quelque temps dans une muette extase, car jamais rien d'aussi mélodieux n'avait frappé mes oreilles. Le songe de la nuit précédente me revint soudain à la mémoire. J'étais inaccessible à toute crainte puérile. Je voulus aussitôt éclaircir ce fait étrange. Me jeter en bas du lit et allumer ma lampe fut l'affaire d'un moment, et je me disposai à entrer dans la chambre auparavant occupée par mon ami. Comme j'en franchissais le seuil, 1 heure du matin sonna. La musique expira à l'instant. Néanmoins, quand je fus entré, quoique le violon de Franz eût gardé contre le mur l'immobilité à laquelle il était condamné depuis quelque temps, et que la couche de poussière qui le couvrait apparut intacte, je vis les cordes frémir encore comme si elles venaient de chanter sous un archet invisible, et les dernières vibrations harmonieuses achevaient de mourir doucement dans les cavités sonores de l'instrument. Je cherchais autour de moi. Pas un souffle qui trahit la présence d'un être animé. Les fenêtres étaient hermétiquement closes. Je fouillais tous les coins de la pièce. Il eût fallu être moins qu'une ombre pour se dérober à mes investigations. La certitude raisonnée que rien de visible n'avait pu échapper à mes regards me fit forcément conclure à l'immatérialité du visiteur nocturne. Et qui se pouvait-il être, si ce n'est l'âme de Franz lui-même? Le songe de la veille n'était point le produit d'un cerveau malade. C'était un avertissement d'en haut. Et puis la musique que je venais d'entendre eût levé tous mes doutes, si j'en eusse conservé un seul. Il n'y avait rien de terrestre dans cette harmonie toute divine. Que vous dirais-je? Chaque jour à minuit, la musique revint se faire entendre, non toujours la même, mais sur tous les tons, depuis celui du délire de la joie la plus enivrante jusqu'à la plainte de la douleur la plus échevelée. C'était tout un long et magnifique poème détaché page à page du grand livre du ciel. Enfin, j'eus l'idée de reproduire quelques motifs de cette musique éclatante. Mes efforts ne furent pas complètement vains. Je commençai par imiter, mais de loin, et comme un écho bien affaibli, quelques-unes de ces mélodies, celles dont l'essor moins élevé ne semblait point trop au-dessus de la faiblesse humaine. Si un instant mon nom a fait un peu de bruit dans le monde, c'est à cela que je le dois. Chaque jour, je devins plus hardi. Je découvris à force de patience quelques lois de cette musique suprême. Une découverte me mit sur le chemin d'une autre plus considérable, et bientôt la gamme des anges n'eut plus de secret pour moi. J'osai même, et Dieu m'en a puni, porter une main sacrilège sur le violon de mon ami, ce violon consacré par l'attouchement immatériel d'un esprit bienheureux. C'est pourquoi, sans doute, il possédait une puissance occulte qui doublait ses forces et les miennes. On eût dit que chaque corde était douée d'une âme harmonieuse et sensible qui la rendait, pour ainsi dire, vivante. Vous comprenez maintenant, madame, pourquoi je rentrais toujours chez moi avant minuit. À part le secret du violon miraculeux qui se serait trahi lui-même, il y avait encore pour moi l'attrait de cette musique divine dont je ne pouvais me rassasier et dont je voulais faire ma gloire de doter l'humanité. mais Dieu ne l'a pas permis. J'avais surpris un de ses mystères. Il me retira lui avant que j'aie eu le temps de le révéler au monde. Il s'est servi de vous, madame, pour accomplir sa volonté. Je n'ai pas le droit de vous en accuser. Que cette volonté soit faite et que le nom de Dieu soit à jamais béni. » Ah, quand ils étaient tout haletants à écouter, ils ne savaient pas que c'était plus qu'un homme qui se faisait entendre à eux. À peine je commençais, trompé par l'heure, que je sentis le souffle d'en haut s'abattre sur moi et me ployer comme le vent d'orage ploie la paille d'un champ. Je fus saisi de cette terreur dont il est parlé au livre de Job, de cette terreur qui hérisse les cheveux sur la tête et qui pénètre jusque dans les os. Pendant une heure, je restai ainsi courbé sous la pression victorieuse de l'esprit mystérieux, luttant contre lui de toute l'énergie de ma volonté. Un moment, je crus sortir vainqueur de ce combat étrange. Mais quand il me quitta pour me laisser à ma propre faiblesse, la secousse fut trop violente, et je sentis se briser en moi les liens cachés qui retiennent le corps à l'âme. Voilà, madame, ce que je voulais vous dire avant que la mort ne s'emparât tout à fait de la part qui lui revient de moi-même. Ma tâche est remplie. Je meurs sinon content, du moins résigné, car je vois l'âme fraternelle de mon ami qui vient chercher la mienne. Adieu, madame, adieu, c'est-à-dire au revoir dans une autre vie. » Madame de Rheinsberg sentit un frisson parcourir la main du malade. Elle le regarda. Il était mort. La comtesse fit une maladie qui, pendant un mois, la retint à deux doigts de la tombe. Enfin, grâce à sa jeunesse, elle put vivre. Mais elle resta dans cet état de mélancolique langueur, qui est le milieu entre la santé et la maladie. Elle n'a pas cessé de porter le deuil de Frédéric, et dut-elle vivre 100 ans, elle a juré de le porter toujours. Quant au violon de Franz, elle le fit chercher en vain. Il disparut dans le tumulte occasionné par l'évanouissement de Frédéric. On n'a jamais su ce qu'il était devenu. Ainsi s'achève Le violon de Munich, par Auguste de Vaucelles.